Une époque qui met tout le monde en joie. Une époque pour traduire l'affection, l'amour par les cadeaux, les vœux de joyeux Noël. Joyeux Noël, Félix Navidad, Merry Christmas. De par le monde, on clame cela en masse. Oh, oh, oh, chante le Père Noël. Grands et petits, chaque an espère ses merveilles. Il y a-t-il une autre saison plus joyeuse qui met tout le monde en veilleuse? Et de plus, c'est l'époque des cadeaux. L'ultime moment de partager les vœux. Une façon d'exprimer l'amour à travers l'année qui bat son cours. Christmas, encore, tu feras tant de délires dans les prochains jours à venir. N'oubliez pas aussi, c'est la fête des enfants. Ils méritent les mêmes attentions d'antan. On leur doit beaucoup d'affection. Ils nous ont donné tant de satisfaction. En ce grand jour, comblez-les de jouets pour les faire chanter comme des perroquets. L'anniversaire de la venue du Messie apportera la paix dans ce monde sans merci. Joyeux Noël.